Chapitre 24e. Malheur aux délicats en ce monde. Ils ont constamment l'âme froissée et le cœur sur les lèvres. On coudoie beaucoup plus de gens grossiers, de sentiments et de manières que de caractères droits, que de personnages discrets, attentifs à ne pas blesser les susceptibilités de leurs voisins. Le juge d'instruction était plus qu'un délicat, un dégoûté. Pour n'en donner qu'un exemple, il avait renoncé à un brillant mariage parce que la jeune fille qu'on lui destinait faisait du bruit en mangeant et aspirait gloutonnement son potage, ce qui était pour lui l'indice certain d'une âme basse et d'une moralité douteuse. Ce que cet homme a dû et doit souffrir, on le comprend sans peine. Il suffit de regarder autour de soi, au théâtre, au café, dans les restaurants, en chemin de fer, partout où les hommes se trouvent réunis et de se rappeler ce que l'on observe chaque jour. Il n'était aguerri que dans l'exercice de son ministère. C'était une grâce d'État. Fils de médecin, il n'avait pu poursuivre ses études médicales à cause de l'invincible répulsion que lui inspirait la seule vue du sang. Magistrat instructeur, il assistait avec un calme qui pour lui était de l'héroïsme aux constatations le plus souvent lamentables des plaies morales, que rendaient plus hideuses encore les plaies matérielles, la malpropreté sordide, les odeurs nauséabondes. Au moral, l'incarnation de la loi et de la justice, inaccessible aux considérations de personnes et aux suggestions intéressées, intègre jusqu'à la passion, implacable contre les coupables, mais heureux de proclamer l'innocence. Tel était l'homme de qui dépendait le sort de Julien. Celui-ci le connaissait, ils avaient eu des relations de jeunesse assez suivies. En toute autre rencontre, il se serait tendu la main. De juge à justiciable, il n'eut qu'un mot. « Je regrette, monsieur de Mulsey, qu'une circonstance aussi cruelle nous remette en présence. Je vous remercie, monsieur, de ne rien préjuger et de ne pas dire un crime. J'espère qu'il me sera facile de démontrer mon innocence. Je le souhaite, monsieur. » Et se carrant dans son fauteuil, le juge fit comprendre à Julien que l'instruction commençait. Si prévenu qu'il fût en sa faveur, il ne pouvait le dire ni le laisser deviner. Ayant demandé au juge l'autorisation de commencer son récit à l'époque où il avait revu inopinément Mademoiselle Ripert, Julien raconta cette dramatique et poignante histoire, de laquelle il ne supprima que ses relations intimes avec la mère. Il est des arguments dont un Français ne peut se servir. Il ne fut pas longtemps à s'apercevoir de l'attention bienveillante que lui portait le magistrat. Cette remarque lui donna bon courage. Arrivé à l'incident qui motivait sa comparution, il n'omit aucune particularité. Quand il parla de son déguisement en colporteur, « Voici du moins une contravention, » dit le juge, mais sur un ton nullement solennel et presque en souriant. « Je ne m'en défends pas. »« Pourquoi ? » reprit-il. « Pourquoi ce déguisement ?» L'objection m'a été faite plusieurs fois, et par Madame Ripert elle-même. Je vous réponds ce que j'ai toujours répondu, c'est que je n'avais pas d'autre moyen d'arriver à plaider la cause de sa fille. Ma situation était très délicate. Madame Ripert a renié Mademoiselle Mélanie. Puisque vous vouliez l'épouser, ne pouviez-vous pas la demander en mariage et, si Madame Ripert refusait son consentement, faire des actes respectueux? Julien hésita un instant. Puis, regardant bien en face de son regard loyal et franc, le magistrat qui devenait de plus en plus un simple interlocuteur, « Tout autre pouvait agir ainsi, moi non. »« Je respecte votre secret, monsieur de Mulsey, » dit le juge, « continuez. » Julien raconta la fin de son histoire sans être de nouveau interrompu. Quand il eut fini, le juge lui demanda, « Fut-ce un domestique qui accourut d'abord au coup de sonnette ?»« Non, monsieur, ce fut Madame Ripert. » Tarda-t-elle longtemps ?» Julien redressa la tête. Pour la première fois, son attention était appelée sur ce point. Mais non, Madame Ripert est entrée au salon que la sonnette tintait encore. Par la porte du vestibule? Nullement, par la porte intérieure. Ah, un mot encore. Pensez-vous que Madame Ripert ait contre vous des motifs de haine et de vengeance? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Madame Ripert n'admet pas la contradiction. Je le savais, avant de faire la tentative à laquelle je me suis cru obligé. Mais je n'aurais jamais pu supposer qu'elle profiterait d'un accident, qu'elle en arriverait à une dénonciation aussi odieuse. Je ne sais quelle suite sera donnée à cette affaire, quelle qu'elle soit, monsieur, je tiens à vous assurer de ma reconnaissance. Je ne veux pas dire pour la bienveillance, mais pour la réserve avec laquelle vous me traitez. » Le juge eut une imperceptible inclinaison de tête. « Avez-vous quelques renseignements complémentaires à me donner ? » Non, monsieur. Dans ce cas, le greffier va vous lire ce qu'il a écrit. Vous signerez au procès-verbal que vous avez le droit de discuter. Julien, tout à fait maître de lui, nota soigneusement ce fait que le juge n'avait pas prononcé le mot d'interrogatoire. Puis-je me retirer ? Demanda-t-il après avoir entendu lecture du procès-verbal et apposé sa signature. Oui, lui fut-il répondu, mais il est bien entendu que vous restez à la disposition de la justice. Je m'y engage sur l'honneur. Adieu, monsieur. Julien sortit du palais de justice au bras de M. de Villeberg, à qui il fit part de l'heureuse issue de la conférence. Dans leur joie, ni l'un ni l'autre n'avaient vu que leur sortie du palais, de même que l'arrivée à l'hôtel de Julien, qui laissa son ami à la porte, avait donné lieu au départ précipité de femmes se dirigeant vers le cours des Minimes. Pendant que Julien racontait à Mélanie ce qui venait de lui arriver, Mme Ripert se mettait en campagne. La liberté laissée à Julien lui paraissait une monstruosité, bien plus une insulte. Et quoi ? Elle affirmait qu'un crime avait été commis dans sa maison. Elle désigna le coupable. Et la justice non seulement ne l'avait pas arrêté dès le premier jour, mais encore le laissait libre. Fort heureusement, si le procureur de la République et le juge d'instruction, par jalousie sans doute, étaient ses ennemis, elle avait à la cour et au tribunal des amis puissants. Elle vit dans la matinée un président de chambre, deux conseillers, un avocat général, un juge. À son grand étonnement, à sa profonde stupéfaction, elle les trouva tous très réservés, pour ne pas dire très froids. Ils se retranchaient derrière l'absolue liberté du juge d'instruction. L'avocat général se refusa catégoriquement à parler au procureur général dans le sens d'une poursuite à ordonner, disant que certainement le chef du parquet avait été saisi par voie hiérarchique. En réalité, c'était pure défaite. Au palais, on appréciait cette affaire tout autrement que dans le public. On partageait l'opinion du procureur de la République et du juge d'instruction, si bien que les jeunes avocats, correspondants volontaires des journaux, s'y ardant le premier jour, cessèrent prudemment lettres et dépêches, ce qui contribua à faire tomber l'effervescence produite au début. À vrai dire, on ne s'était pas passionné. Avec son bon sens instinctif, la foule sait discerner et pressentir les grands drames. Elle ne s'attarde pas longtemps aux affaires qui ne lui paraissent pas du premier coup émouvantes dans leurs péripéties ou réellement mystérieuses. Une réflexion amortissait l'intérêt. Comme les magistrats, le public se disait « on ne tue pas un moribond ». M. de Villeberg, en sa qualité d'avocat, avait eu toute facilité pour suivre ses intrigues. Profitant de la reculade de ses confrères, il les avertit que leur rôle de correspondant n'était pas terminé et que, vraisemblablement, leur concours serait demandé pour le cas où le public devrait être instruit du dénouement inattendu donné à cette affaire si dramatiquement et si pompeusement annoncée. Ils étaient trop engagés avec Mme Ripert pour rien promettre positivement, mais le vent ne fait pas tourner que les girouettes. Les journaux régionaux n'ont pas d'action seulement dans les villes où ils sont le plus répandus. Ils vont au loin parler du pays natal à ceux qui l'ont quitté. Il est rare que les provinciaux, devenus parisiens, ne reçoivent pas quelques journaux de leur province, ou n'aillent pas les lire dans les cafés et les cabinets de lecture, quand ce ne serait que pour suivre les relevés de l'état civil, mariage et décès. Sextus, bon enfant, en véritable provençal qu'il était resté, recevait deux journaux de Marseille par abonnement et se faisait prêter les autres. Les correspondants relatant l'affaire du cours des Minimes l'avaient exaspéré. Avec son impétuosité ordinaire, il était allé chez le docteur Voitou et chez Arnold Barthes. « Ah, vous croyez que c'était fini ? » disait-il. « Vous croyez, d'après les lettres de Julien, les tourtereaux occupés uniquement à se becter ? Ils ont fait de belles besognes. Je l'avais bien dit à Julien, cependant, qu'il fallait prendre une trique. Non. » Monsieur a voulu faire du sentiment, agir en gentilhomme. Triple niais, avec une femme pareille, du sentiment. Il était positivement furieux. Il ne laissait pas ses amis placer une parole. « Tenez, lisez » poursuivait-il. « Les initiales sont transparentes. Madame Veuve R, Monsieur de M, c'est elle, c'est lui. Quant à l'autre, ce Monsieur P, je ne sais pas ce que cela veut dire. Certainement, il y a quelque infamie nouvelle. » À mettre au compte de Madame Ripert. « Ah, tu veux faire arrêter mon Julien ? Nous verrons. Je pars demain. Venez-vous avec moi. » Ni le docteur, ni Arnold Barthes ne pouvaient et ne voulaient partir en ce moment où les passions populaires, surexcitées par la honte de la capitulation, menaçaient Paris du plus effroyable des malheurs, la guerre civile. Ils le dirent très nettement à Sextius Bonenfant, l'engageant à rester avec eux pour prêter main forte à la cause de l'ordre et du patriotisme. Connaissant l'impressionnabilité de leur ami, ils n'osaient pas lui dire que son voyage serait inutile si, comme ils en étaient convaincus, Julien avait été arrêté. Ce fut en vain. Bonenfant croyait Julien en grand danger. Il voulait aller lui porter secours et contrecarrer les desseins de Madame Ripert. « Je ne serai pas utile à grand-chose ici, » disait-il, « tandis que là-bas... »« Ah, tu veux nous envoyer en cour d'assises. Excusez du peu. » Comme il l'avait annoncé, le lendemain, il prenait le train express, bien décidé à lutter avec acharnement contre la terrible femme. Par bonheur, son intervention devait être inutile. Madame Ripert, de quelque façon qu'elle envisageât la situation, sentait son prestige diminuer et sa toute-puissance jusque-là incontestée, fort compromise. Elle ne se l'avouait pas, certes. Elle n'en était pas encore à douter du triomphe. Une colère sourde grondait en elle. Elle avait des transports de violence d'autant plus cruels qu'elle devait les contenir. « Avoir de tels ménagements pour ce polisson » s'écriait-elle dans un moment d'oubli, irritée par les résistances d'un magistrat de qui elle croyait pouvoir tout attendre, lui ayant tout donné. « Mais, madame, c'est que ce polisson est innocent, » lui dit le juge avec beaucoup de calme. Madame Ripert lui lança un de ces regards dont elle avait le secret et qui pénétrait jusqu'aux profondeurs inaperçues de l'être humain. « Et si je veux qu'il soit coupable, moi ?» disait-elle sans prononcer une parole, mais offrant un pacte qu'elle était prête à sceller sur l'heure. Ayant attendu une demi-minute une réponse qui ne venait pas, Madame Ripert sortit, et la porte fermée, elle mordit à belles dents un mouchoir de dentelle qu'elle mit en pièces, ne voulant pas subir l'humiliation d'un bruyant accès de colère ou de larmes. Son étoile pâlissait décidément. Par une réaction toute naturelle chez cette femme qui poussait tout à l'extrême, Madame Ripert se prit d'admiration pour Julien. Tel un général vaincu dans un combat acharné reconnaît la supériorité de son adversaire. Ce n'était encore qu'une sensation inconsciente écartée avec horreur. Ce serait bientôt un irrésistible entraînement.